Moi, j'ai toujours remarqué dans ma longue carrière politique que quand il y a un sujet émotif qui touche aux tripes, et particulièrement aux tripes identitaires, et que le débat devient houleux, hargneux même, on l'a vu lors de la manifestation de la fin de semaine, les Québécois ont tendance à reculer. Êtes-vous déçu? Ils n'aiment pas chicaner, les Québécois. Ils n'aiment pas chicaner. Ils sont timorés. Alors quand un sujet est vraiment divisif, ils ont tendance à vouloir retraiter sur leur position. Est-ce que ça aura un impact maintenant sur la suite des choses? Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a un sondage politique rattaché à ça, les intentions de vote, oui. PLQ 36, PQ 33, la CAQ à 18, la CAQ qui recule. S'il y a des élections demain matin, ça se peut que ça soit PQ minoritaire encore. Ou Parti libéral minoritaire, un ou l'autre. Ouais, ça sera un gouvernement minoritaire. S'il y a des élections aujourd'hui, là, ça sera un gouvernement minoritaire. On n'est pas mieux, là. Personnellement, moi, je n'ai jamais été très, très favorable à un gouvernement minoritaire. Un gouvernement minoritaire, c'est un gouvernement paralysé. C'est un gouvernement qui a les mains menottées. Et c'est pas bon pour une société que ça dure trop longtemps, un gouvernement minoritaire. C'est mon point de vue, là. C'est sûrement discutable, mais on le voit actuellement avec ce débat-là. Mais là-dessus, je voulais vous dire, M. Morin, que moi, j'ai observé la manifestation musulmane, parce que, nous, là, tournons pas autour du pot, là. Non, c'est musulmane avec des clichés. Ne parlons pas la langue de bois, c'était une manifestation musulmane. Oui. Hein? On est d'accord là-dessus? Oui. Ça m'a à la fois gêné puis choqué de voir ça. Pourquoi? Ben, vous avez lu des pancartes. Des musulmanes voilés qui, dans leur pancarte, incitent le gouvernement du Québec à faire preuve de tolérance, incitent les Québécois à la tolérance. Il y avait ça, ce mot-là, la tolérance. Alors que le projet de loi, on a beau discuter, puis pour être en accord à 100% sur tout, c'est pas un projet intolérant. Il faut quand même pas charrier non plus. Il n'y a pas de racisme et d'intolérance. Dans ce projet-là. Non. C'est peut-être qu'ils vont trop loin en matière de neutralité de l'État. Peut-être, c'est discutable. Mais là, de là à parler d'intolérance, et surtout, quand ça vient entre vous et moi, là, je vais être très clair là-dessus, quand ça vient de musulmans, je trouve que c'est pousser fort le bouchon. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde musulman depuis des années, la tolérance n'est pas une vertu très, très pratiquée. Hein. Les autres religions sont soit interdites, et quand elles sont pas uniquement interdites, elles souffrent de persécutions systématiques. Qu'on pense à la Syrie, qu'on pense à l'Égypte. La Syrie, l'Irak, l'Égypte. Il fait pas bon être un chrétien à ces jours-ci, là. Alors, et je vois des musulmans défiler dans les rues de Montréal et nous reprocher d'être intolérants. Là, moi, je trouve que là, je le prends pas. Ça m'incommode beaucoup. Moi, ce qui m'a incommodé, moi aussi, je vous avouerai que je partage un peu votre point de vue là-dessus, mais de manière plus précise. Moi, tu sais, je ne veux pas dire les musulmans. Je pense que les musulmans peuvent s'exprimer, là. J'ai pas de problème avec ça. Mais faut regarder au-delà de ça qui organisait cette manifestation-là. Mais c'est le fameux collectif québécois contre l'islamophobie. Puis son porte-parole, c'est Adil Sharkawi. Oui. Adil Sharkawi qui est arrêté. On regarde sa feuille de route, sa carte de hockey, là. En mai 2003, en vertu d'un certificat de sécurité. Et je comprends que c'est un islamiste. C'est un islamiste. Route, là, c'est la feuille de route d'un islamiste. Mais là-dessus, M. Morin, moi, je reviens sur cette distinction entre l'islam modéré, un musulman modéré, puis un islamiste, un musulman radical. Je reconnais qu'il y a sans doute, dans le monde musulman, ici comme ailleurs, des musulmans modérés qui sont en France, par exemple, un peu partout dans le monde, qui sont capables de composer avec les règles et les valeurs occidentales. D'accord? Oui. Il y en a. Sûrement qu'il y en a. Mais, ils sont singulièrement discrets. Ouais. Ils sont singulièrement discrets. Là, on les a vus manifester, là. Il y avait beaucoup de musulmans dans les rues de Montréal. Mais, quand il y a eu l'attentat de Boston, avez-vous vu une manifestation pour se dissocier des terroristes islamistes? Ouais, puis plus que ça, restons à Montréal. Avez-vous j'ai pensé à ça ce matin. Est-ce qu'il y a eu une manifestation pour dénoncer l'arrivée des prédicateurs radicaux au palais des congrès? Bon exemple également. Il y avait vrai juste moi et d'autres chroniqueurs qui ont levé le flag, là, Martineau, je sais que Duhem en a parlé aussi. Ils sont à la fois silencieux. Ouais. L'islam modéré existe peut-être, mais moi, je vous dis, là, je la vois pas souvent. Je la vois pas souvent manifester. Ça, je vous l'accorde. On l'a pas vu lors de la venue des prédicateurs, puis finalement, on a mis de la pression. Je pense que les médias, on a fait une bonne job là-dedans. Ça a forcé le palais des congrès à les mettre à la porte en parlant de sécurité, oui, là, mais quand même. Exactement, mais c'est pas les musulmans modérés là, qui ont agi pour en arriver à ce résultat-là. Non. Je lisais aujourd'hui Richard Martineau. Excellente chronique où il cite des écrivains d'origine algérienne en particulier. Il y en a un qui est un kabyle et qui, évidemment, manifeste leur approbation à la charte présentée par le gouvernement marois. Mais je les lisais et je me disais, est-ce qu'ils vont encore à la mosquée? Autrement dit, est-ce que ce sont encore des musulmans? Vous comprenez? Tout à fait. Alors, prenons Jemila Benhabib. Oui. Son livre à contre-courant est un livre absolument remarquable. Oui. Mais Jemila Benhabib n'est pas une musulmane. Comme Mourani, comme Maria Mourani. Ben oui. Et j'ai appris par la suite. C'est une chrétienne. C'est une chrétienne. Je ne le savais pas. Puis là, je le mentionne parce que moi, je trouvais que son geste. J'ai aimé le geste qu'elle a posé de porter la croix lors de sa conférence de presse. On y reviendra. Je veux savoir votre avis là-dessus. Ben moi, j'ai aimé ça. Mais je savais pas qu'elle était chrétienne. Je l'ai appris par la suite. Bon. Oui, voilà. Elle porte une croix discrète et non ostentatoire. Oui. Oui. Alors, donc, souvent, quand on entend qu'on écoute des personnes qui sont issues du monde musulman, et on se dit, ben voilà, il y a un islam modéré, il y a des musulmans modérés. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils ne sont plus musulmans. Ils ne sont pas pratiquants, ils ne sont pas musulmans. Ils vont plus à la mosquée. Alors, j'en conclus que, oui, il faut faire la distinction. Bon, je reconnais, là, avec Martineau, qu'il faut faire la distinction entre musulmans modérés et les islamistes ou les musulmans radicaux ou intégristes ou fondamentalistes, appelez-le comme vous voulez. Et oui, il faut faire la distinction. Mais encore une fois, on observe les communautés musulmanes ici comme ailleurs, que ce soit ici ou en Europe, en France, un peu partout. Quand on examine et on observe les communautés musulmanes, la conclusion, c'est que l'islam radical est carrément dominant. J'ai écrit dans ma chronique de samedi. Hein? J'ai écrit ça dans ma chronique de samedi dans le journal. Ah, mais en même temps, ce que je déplore, c'est la peur du PQ de nommer ça directement. Au lieu de le nommer, on peinture au complet au rouleau du plafond au mur ou du mur au plafond, en mettant les Juifs là-dedans, qui sont ici depuis 250-300 ans. Au lieu de dire la vraie menace à l'équilibre homme-femme, c'est l'islam radical. Ben c'est oui, pas les Juifs pays chrétiens, sacrifice. Pourquoi qu'on le nomme pas, M. Brassard? Ben, je ne sais pas. On a peur. Probablement qu'on a peur. Mais voyez-vous, là, on le nomme pas, puis qu'est-ce qui arrive, là? De toute façon, il arrive ce qui arrive, c'est qu'on se fait traiter de raciste, de xénophobe, d'islamophobe. Là. Les accusations fusent quand même, là. Il n'y a pas un ministre du PQ. Il n'y a pas. Il y avait... par les vrais. cesser, abandonner la langue de bois en cette matière. Il n'y avait pas eu de ministres qui ont dénoncé l'arrivée des prédicateurs à Montréal, pourtant dans un immeuble public, le Palais des Congrès. Il n'y en a pas un qui a dénoncé ça. Pas un seul. Ben, ça vous démontre la mollesse du gouvernement en place qui préfère peinturer au rouleau puis mettre les chrétiens puis les juifs là-dedans. Vous avez lu ma chronique aussi, là, de ma première chronique. Vous avez lu ma première chronique. Oui. Alors, donc, il n'y en a pas un seul non plus, là, qui a protesté puis qui s'est indigné devant, face à ce curé, à ce prêtre de Jonquière, menacé de mort depuis 4 ans, dont les églises de Jonquière ont été vandalisées par un énergumène violent, alors que quand quelqu'un a osé vandaliser la mosquée de Chicoutimi, ça a été un concert d'indignation partout, des ministres fédéraux, des ministres du Québec, même l'évêque est sorti. Vous voyez le ouais. traitement différent. Alors, c'est sûr qu'on a peur de dire les choses telles qu'elles sont. Et on n'est pas un cas unique. Moi, j'observe beaucoup ce qui se passe en Europe. C'est d'une extrême gravité. Par exemple, ceux qui s'intéressent à cette question-là, là, allez voir ce qui arrive à Marseille, par exemple. Marseille, là, c'est le pire du pire. Là. Le pire du pire en Europe. C'est vraiment une ville carrément islamisée. Alors, mais par contre, moi, j'ai l'autre côté de la médaille. Il y a eu des faits divers en fin de semaine, mais ce sont des faits déplorables. Ça fait quand même la une à Québec du journal Le Soleil. L'épisode de haineux envers une femme voilée. Mais ça, on aura toujours dans une société des colons qui vont aller cracher au visage de ce sont des gestes déplorables. Moi, ce que je crains là-dedans, c'est que cette charte-là vienne, pour certaines personnes, je dis pas pour toutes les personnes, vienne cautionner ces gestes-là. Je dis pas que ça vient stimuler la haine, c'est pas ça que je dis, mais dans certains cas. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Moi, je crois pas, mais c'est sûr qu'il y a des excès en tout qui sont carrément inacceptables. Moi, je pense que la charte ne porte pas là-dessus. La charte n'interdit pas, comme c'est le cas en France, le port du voile en public, tout simplement. Là. Elle se concentre uniquement sur ceux qui travaillent pour l'État, les employés de l'État. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des excès. Mais la question, dans le fond, que je me pose, c'est le Québec, on fait plus d'enfants. Le Québec, on dépend de l'immigration au plan économique pour assurer notre pérennité. Comment établir un équilibre entre l'immigration, un Québec ouvert? On aime ça dire dans Saint-Jean, durant Saint-Jean-Baptiste, ah, c'est le Québec de tout le monde. Bon, comment tenir ce discours-là à la Gérald Godin, un discours d'ouverture? Oui. Mais de l'autre, dire ça suffit de tracer une ligne et de ne pas tomber dans le dérapage comme c'est arrivé à l'endroit de Mme Badia Sinouchi, une pratiquante musulmane en fin de semaine qui s'est fait cracher d'en face. Comment... Moi, je pense... Établir la ligne. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je le répète de nouveau, je pense que la charte des valeurs ne s'attaque pas au vrai problème. Le vrai problème, ici comme ailleurs, partout en Occident, le vrai problème, c'est notre incapacité comme société à correctement, convenablement intégrer les nouveaux venus qui nous arrivent d'un peu partout dans le monde. Et donc, peut-être à ce moment-là, faut-il se questionner sur les seuils d'immigration. Est-ce qu'on en accueille trop? Je suis pas xénophobe, moi, M. Morel. Je veux pas fermer la porte à la venue d'immigrants. Le Québec a toujours été une terre d'accueil. Mais la question mérite d'être posée. Est-ce qu'on en accueille trop? Et en accueillant trop, est-ce qu'on est incapable de les intégrer correctement à la société d'accueil? Et on veut à ce moment-là se former et naître et apparaître des communautés qui se replient sur leur propre identité et qui refusent carrément de s'intégrer dans la société d'accueil. Et souvent, c'est pas juste un refus, là. C'est accompagné d'hostilité et de haine. On le voit peut-être pas nécessairement beaucoup ici, mais ailleurs, en Europe, on le voit, le refus de s'intégrer est associé, accompagné d'une haine réelle, de la société d'accueil, féroce à l'endroit des valeurs de la société d'accueil. Et la presse de ce matin, pour en rajouter, page 5, le tiers des immigrants allophones en repli culturel. Le texte de Marie Allard, là, c'est une recherche de l'UQAM qui mentionne que nos résultats suggèrent que le choix de s'assimiler, de s'intégrer ou d'essayer de se replier sur notre univers familier se prend très tôt, puis bouge peu. C'est ça le constat. Alors, ça veut dire que on n'est pas vraiment capable, comme société, d'intégrer correctement les immigrants. Ça ne veut pas dire que l'immigrant doit abandonner tout son passé, toute son identité, toute sa culture, mais ça veut dire qu'il doit s'ouvrir à la société majoritaire et faire des efforts pour s'y intégrer. Si la première génération ne réussit pas, au moins la deuxième, parvient pas pleinement, ben les générations suivantes, elles, vont y arriver. C'était ça qui se produisait, qui arrivait. C'était ça la réalité autrefois. Melting pot aux États-Unis, c'était ça. Eh oui. On a 1 million des nôtres qui sont devenus des Américains. À Manchester, entre autres. Hein? 1 million des nôtres. Des Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, là. Il y en a presque 1 million qui se sont retrouvés aux États-Unis. Les premières générations, là, ils ont continué d'être des Canadiens français. Mais ce qui fait dérailler le débat, c'est l'obligation pour tous les fonctionnaires. Ça, c'est pas praticable. Je suis pas pour ça, je l'ai dit. Écoutez, si on avait fait un compromis là-dessus, le débat devrait avoir lieu. Mais là, j'ai l'impression, là, qu'avec avec ce qui se passe présentement, j'ai l'impression que la sérénité, dans le débat que souhaitait Drainville, avec raison, puis je pense qu'il a lancé un appel à un débat serein, mais je pense pas que la sérénité est présente. Elle est déjà complètement disparue. Merci beaucoup, M. Brassard. Au plaisir. Au revoir.